Ça, c'est devenu papounet. C'est nous qui fournissons. La vie de rêve. C'est nous qui fournissons. C'est vous qui consommez. Deux avertis Val 4, on tient le pavé 24 sur 24. Et bizarrement, je les connais, hop, Banks. Deux avertis en Val 4, on tient le pavé 24 sur 24. Et bizarrement, je les connais, hop, peu de bonhommes, beaucoup d'acteurs. Gyrophare, brassard et motard, je m'arrêterai pas, enculé de ta sœur. Y'a les buteurs et les passeurs, y'a la poussière et les grosses têtes de bœuf. J'suis pas là pour squatter le banc, j'suis sur leur intès le B. 100 000 en liquide jusqu'à avoir des crampes aux phalanges. Non, fais pas le viking, au comico, tu perds des talents. Plus la peine de Kuma, bientôt j'les envoie au goulag. Raconte pas tes salades, tu sais très bien, j'm'en fous moi. J'ai de la moula à fumage, double platine dans le confios. À part la mort, y'a tout qui passe et le rap marche. Autre chose. Les bastos sont réels, elles t'enlèvent ta vie. Cicatrice, séquelles, 1 milliard d'ennemis. 20 minutes de plaisir, poussette, marmot. On achète ce que l'on désire, LV, carreau. Rentre dans la mafia et je te dirai comment l'éliminer. Non, surtout ne crie pas, je suis dans ton salon, cagoulé et gratté. Elle veut les Bouchemi, elle veut les Michael. Toff, le bavé me sauve la vie et je crie mazel. Toff, dans le bloc on fait rentrer les pesos. Et la justice ne fait pas de cadeau. Bosse comme un boss pour être un boss. J'ai toutes les options dans le gamme. Charbonner, ramasser, un gros billet. Investir, le rentabiliser, tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'idée, charbonner, ramasser, un gros billet. Investir, le rentabiliser, tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'idée, Deux avertis en Val 4, deux avertis en Val 4. On tient les jouets dans le bon sens, je vais applaudir au début du spectacle. Mais t'arracherai parfois les pots cassés. On efface les empreintes à l'ammoniaque. Je suis la reine de cœur dans ton château de cartes. C'est la crise raide, c'est la marée basse. On pêche au couteau dès que le courant passe. T'as pas l'air d'être dans ton assiette. Cheveux noirs comme Pocahontas. La paye est black, tu vois ce que je veux dire. Passer par là, c'est pour couper rapide. Passer de la calage aux carabines. Je te dis pas ce que j'en pense, tu vas m'en vouloir. La sonde à taper, c'est la République tchèque. Anesthésie sur la pesette, face à décraser, je te guette depuis Big Ben. Me demande pas quel fils de pute tire le plafond. Sur champ de bataille, on est casqué comme les tarots. Je reviens défourailler comme la faucheuse. Toujours dépasser les limites qu'ils autorisent. Et personne dira A ou B. Je dors sur mes deux oreilles, tête sur les épaules. Tous les plans déroulera sur ma carapace. Vu qui veut maman, je n'ai même pas vu net. Vu qui veut maman, je n'ai même pas vu net. L'artisan, la faute, t'as pas de chance. C'est l'anguille sourasse, l'éléphant son caillou. Dans le bloc, on fait rentrer les pesos. Et la justice ne fait pas de cadeau. Bosse comme un boss pour être un boss. J'ai toutes les options dans le gamon. Charbonner, ramasser, un gros billet. Investir, le rentabiliser, tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'idée. Charbonner, ramasser, un gros billet. Investir, le rentabiliser, tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'idée.